الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، اليوم سنخوض الحديث 48، يعني 48 حديث، qui lui est important et se rapporte aux caractéristiques des munafiqin, ce qu'on appelle les hypocrites. Quelles sont leurs principales caractéristiques afin de les reconnaître, de savoir à qui on peut avoir affaire, et ainsi de suite. Et il deviendra dans ce cours que les munafiqoun sont de deux sortes, i'tiqadi wa amali. Et les définitions des deux seront données, inshallah, afin de différencier, car ce n'est pas tout terme employé, yani munafiq, sur quelqu'un qui veut dire que c'est un kafir. Hein, il y a un tafsil. Tayyib. Faqala al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Qubayda ibn Uqba. Qala haddathana Sufyan an al-A'mash an Abdullah ibn Murrah. عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خرصة منهن كان فيه خرصة من النفاق حتى يدعها إذا أتوم خان وإذا حدث كذب وإذا عهد عذر وغدر وإذا خاصم فجر وفي مسلم إذا وعد أخلف. Donc il dit l'imam Bukhari que selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a quatre, on va dire à la base, ces caractéristiques. Que celui qui en est muni, qui les a en lui, est un pur munafiq. Et que celui qui n'en a qu'une seule d'entre elles aura une des caractéristiques du nifaq, de l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il la délaisse. Que si on lui fait confiance, il trahit. Que s'il parle, il ment. Que s'il promet ou il s'engage, il trompe. Et que si il se dispute, il devient immoral. Et chez Muslim, dans le même hadith, il a dit, et que si jamais il promet, il transgresse. وهذا الحديث يدل على أن هذه صفات من صفات المنافقين ونحوه حديث أبي هريرة المتفق عليه علامات النفاق ثلاث. Donc ce hadith vient pour démontrer quelles sont les caractéristiques des munafiqin, et qu'il y a également un hadith similaire rapporté par Abu Hurayra, ou selon Abu Hurayra, متفق عليه, où il dit, au lieu de 4, c'est elles sont 3. Un alamat unifak salaf. Il n'en cite que 3. Donc ce hadith vient ici pour mettre en garde la communauté de certaines caractéristiques. Si on les trouve chez des gens, qu'il faut prendre les conseiller déjà d'une première part, bien entendu, et prendre garde d'eux, faire attention à eux. Qoluhu. إذا أتمنى خانة. Sa parole, que si on lui fait confiance, ou on lui confie quelque chose, quoi, il trahit. الخيانة خرصة مذمومة ومن أرذل الخصال المذمومات. وقال تعالى وأن الله لا يهدي الكيد للخائنين. وقال ولا تكن للخائنين خصيما يعني لا تجادل عنهم ولا تخاصم عنهم وقال تعالى ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه وقال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Il dit que la trahison est une très mauvaise caractéristique chez les gens, hein, parmi les plus basses et parmi les plus mauvaises. Que Allah, dans le sens, il dit que Allah ne guide pas, certes, le complot des traîtres. Et il dit dans le sens, et ne sois pas, et ne te dispute pas en faveur des traîtres, c'est-à-dire ne t'engage pas à parler pour les défendre. Et dans le sens, il dit également, vous, vous les défendez en ce bas monde. Et qui donc les défendra auprès d'Allah le jour du jugement? Et Allah, dans le sens, dit également que Allah a exposé un exemple pour ceux qui ont mécru, la femme de Noé et la femme de Lot, qu'elles étaient, hein, sous deux serviteurs parmi nos pieux serviteurs, et qu'elles les ont trahis. Et que leur appartenance à ces hommes ne leur a servi à rien, et qu'il leur fut dit de rentrer au feu avec ceux qui y rentrent. Donc de là pour dire que le traître, Allah subhanahu wa ta'ala nous a défendu de le défendre. D'où ces versets. Ce qui amène à savoir qui autour de nous, qui on fréquente, pour qui on parle, et ainsi de suite. Car celui qui est un traître, Allah a déjà dans son livre a déjà défini les caractéristiques des gens à délaisser. Donc si c'est un mes traits de caractère t'apparaissent clairement, il ne t'est pas permis de défendre des gens comme cela. Si des gens te démontrent qu'un tel ou un tel a telle caractéristique, hein, il ne t'est pas permis de le défendre. Comme le stipule ces textes religieux. Également, Allah subhanahu wa ta'ala cite à l'exemple justement des femmes de deux prophètes, hein, qui sont Nuh alayhi salam et Lot alayhi salam, qui ont eu des femmes qu'ils ont trahies. Cette trahison-là n'est pas ce qui touche à la turpitude, que les prophètes ont été préservés. Non, cette trahison touche là à la religion, qu'elles ont trahi dans leur religion, qu'elles ne les ont pas suivies, hein, pour la droiture, et non pas qu'elles aient commis l'adultère. Ce n'est pas ça qui est voulu. Et les messagers et les prophètes en sont préservés. À bien comprendre le verset. Et que justement ce mariage ne leur a servi à rien. Yom El Qiyama, le fait que Fulana était la femme de l'autre ou Fulana était la femme de Nour, cela ne leur servira à rien. Donc pour dire également, comme dans le hadith que nous avons pris, que les nasab, la filiation, n'est d'aucune utilité, Yom El Qiyama, que les gens seront jugés en fonction de leurs actes. Que tu peux être de la famille de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'es pas droit, cela ne te servira à rien. Ton père peut être le plus grand des savants, si tu n'es pas droit, cela ne te servira à rien. Ton frère peut être un wali min awliya illah, un ali d'Allah, si tu n'es pas droit, cela ne servira à rien. Maintenant, en ce qui concerne l'intercession pour les musulmans, ça c'est autre chose. D'accord, c'est autre chose. Mais là, on parle là, actuellement, là, que celui qui défend le faux pour son affiliation, cela ne lui est d'aucune utilité. Non. قال صفات الخيانة من صفات المنافقين ونزه الله سبحانه وتعالى عنه نفسه عنها فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم قال الله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. Donc il dit que cet attribut, Allah subhanahu wa ta'ala s'en est purifié de lui-même, car ils ont trahi Allah auparavant, donc il les a saisis. Dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et que s'ils veulent te trahir, ils ont déjà trahi Allah auparavant et il s'est emparé d'eux. Et Allah est savant et sage. Là, le shirk fait allusion à quoi? Comme il est connu que dans les asma wa sifat, dans les noms et attributs d'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a que des attributs parfaits, des noms et des attributs parfaits, hein, qui n'ont aucun manque, aucun défaut. Et parmi ces noms et attributs, certains sont Yanil Asma fil Muqabala, C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue des choses en contrepartie de ces créatures qui veulent faire du mal. Par exemple, quand dans sa parole subhanahu wa ta'ala, وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَلَوْ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, qu'il complote, je ne sais pas si on pourrait dire complote, et que Allah complote ou stratège, et que Allah est le meilleur en complot ou en stratège. Et également, dans sa parole, où il dit Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Hein? Qu'il prépare un stratège, et que je prépare aussi un stratège, ou un complot. Je ne sais pas si mon stratège pourrait convenir en français. Non. Donc ce genre de sifat, également lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ, qu'ils ont dit, nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer. Mais Allah certes se moque d'eux. Donc cela vient pourquoi? Pour démontrer que justement la force de celui qui te veut du mal, parmi justement la perfection de tes attributs, que tu démontres que toi-même tu es capable d'agir de la même sorte avec lui. Quelqu'un te veut du mal et veut te tromper, et bien parmi la perfection justement de la personne, c'est que lui-même soit en mesure de voir ton complot et de le retourner contre toi, donc de comploter lui-même. À bien comprendre. Que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, mais le makr, c'est le fait de comploter, le makr, tout seul, on ne cite pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne cite qu'en contrepartie par rapport à ces créatures, comme nous l'avons dit, qui voudraient comploter. L'istizah, le fait de se moquer, de prendre en raillerie, pareillement. Cette sifat ne s'attribue à Allah qu'en contrepartie de ces créatures qui voudraient justement elles aussi se moquer. Mais tout seul, ça ne se dit pas. Et cela montre justement la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala que malgré ce que tu veux faire toi, lui aussi peut le faire. Contre toi. Cependant, regardez bien dans le verset que le shir a cité, parce que la khiyana, la trahison, c'est un attribut qui est vraiment trop mauvais au point que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se l'est pas attribué à lui-même. Comme dans le verset où il dit. Hein? Comme il dit, وَنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلْ فَمْكَنَا مِنْهُمْ. Hein, que si jamais ils veulent te trahir, ta trahison, sache qu'ils ont déjà trahi Allah auparavant, et qu'il s'est emparé d'eux. Il n'a pas dit, فَخَانَهُمْ. Car Allah ne trahit pas. D'accord? Allah ne trahit pas. Car la trahison est un mauvais attribut dans l'absolu. Le fait de trahir, cela mène à quoi? À des mauvaises caractéristiques. Alors que quelqu'un qui se moque de toi, tu te moques de lui, ce n'est pas Allah. C'est juste que tu lui rends l'appareil. Quelqu'un qui complote contre toi, tu complotes contre lui pour lui montrer que tu n'es pas dupe, cela n'est pas, au contraire, cela, on va dire que tu es quelqu'un, alhamdoulilah, de clairvoyant, de prudent, de stratège. Mais la trahison, elle, est une sifat qui est vraiment très mauvaise, qui ne contient que du mal. Donc même en contrepartie, Allah subhanahu wa ta'ala ne se l'est pas attribué à lui-même. D'accord? Il n'a pas dit fakhanahum. Bel kale fa'amkena minhum. Non. Donc à comprendre cela, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une sifat du. Donc une personne qui est traître, la traîtrise chez une personne, c'est un trait de caractère qui est vraiment mauvais. Après, on regarde. Donc, c'est pas quelqu'un qui te trahit. Toi également, tu le trahis en contrepartie. Non, tu ne le trahis pas. Si jamais tu as un pacte avec lui, par exemple, tu l'annules. Mais tu ne le trahis pas. La trahison, comme cela est venu dans les textes, là, c'est une sifat qui est vraiment blâmable. Une mauvaise sifat. C'est vraiment mesquin. Et le mu'min est plus haut que cela. Et cela est parmi également les sifat du munafiq. Non. Puis il dit قَوْلُهُ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَمْ, et que s'il parle, il ment. الْكَذِبْ خِرْسَةٌ ذَمِيمَةٌ يَتَنَزَّهُ عَنْهَا مَنْ عِنْدَهُ شِيمَةٌ وَيُنَزِّهُ عَنْهَا كُلُّ مُؤْمِنٍ وَقَدْ لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ قَالَ تَعَالَى ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْهَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Donc il dit que le mensonge également est un mauvais trait. Et que chaque mu'min croyant qui a une bonne vertu, qui est de bonne vertu, ne peut se l'attribuer, il ne peut mentir. Un tout croyant, à la base, le croyant ne peut mentir. Sa foi, son iman, l'en empêche. Celui qui ment a vraiment une foi très basse. Car le mu'min doit être, ne doit dire que la vérité. C'est-à-dire, demain, si tu mens, et que tu fais darwa à un kafir, il va dire, de toute façon, toi, tu mens. Donc, comment vais-je te croire? Vous êtes des gens qui mentaient. Donc, comment vais-je croire ce livre ou ces hadiths que tu me rapportes? Déjà, à la base, c'est quelqu'un qui ment. Donc, le mensonge, dû à ta darwa, dû à ton image. Également, dans les témoignages, ce genre de choses, celui qui ment, tout est rejeté. Et le musulman, il est là pourquoi? Pour appliquer, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et faire parvenir son message à autrui. Donc s'il ment, il ne sera pas cru. Et également, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis même avant l'islam, était connu pour être un amin. Sadiq. C'est pour ça que son message est accepté de beaucoup, qu'il n'était pas connu pour le mensonge. Les mouchilkoun eux-mêmes le reconnaissaient que ce n'était pas un menteur et qu'il était de confiance. Ne trahissait pas. Ce qui a amené à ce que son. Justement, que Allah lui a donné ces attributs-là pour pouvoir justement être un argument contre ceux qui voudraient dire non, il ment. Satan, on dit c'est un menteur. Il a été traité de menteur, n'arme. Mais ce qu'on a traité de menteur, c'était juste pourquoi? Pour le discréditer. Mais au fond, il savait très bien que ce n'était pas un menteur. Toute personne qui faisait preuve d'équité, savait très bien que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un menteur. Jamais. Et aucun messager n'a été un menteur. Le mensonge dont tous les messagers ont été préservés. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les menteurs. La malédiction d'Allah est sur les menteurs. Quand il dit dans le sens, ensuite nous ferons exécration les uns les autres et nous invoquerons la malédiction d'Allah sur les menteurs. وَسَوَاءٌ كَانَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ كَبِيرًا أَوْ عَلَى رَسُولِهِ وَهُوَ كَبِيرًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فَهُوَ كَبِيرًا أَيْضًا. Donc il dit, même qu'il s'agisse du mensonge sur Allah, cela est une chose énorme. Ou sur son messager, cela est une chose énorme. Et voire même sur les gens, le commun des gens également. Même sur un kafir, il ne faut pas mentir. Et les mubtadi'a, par exemple ceux qui parlent dans les asma wa sifat, eux mentent sur Allah subhanahu wa ta'ala. Les ceux qui changent les textes, interprètent les attributs et les sortent de leur contexte, mentent sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais selon Allah, comme on a souvent cité, Allah dit qu'il a deux mains. Quelqu'un dit non, il n'a pas de main. Cela mène à quoi? Cela mène à démentir. Allah il t'affirme, toi tu démens. Ou le fait de changer leur sens. De reconnaître, non, il a des mains, mais ses mains, ça veut dire sa force, ça veut dire ses bienfaits, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, a bien décrit main, sans venir interpréter quoi que ce soit. Donc changer de sens également est un mensonge. Et le mensonge est appelé mensonge même si tu ne le fais pas exprès. À partir du moment où en langue arabe, tu viens qu'une information qui ne s'applique pas sur la réalité, qui ne coordonne pas avec la réalité, en arabe, ça s'appelle kadhib. Même si tu n'as pas fait exprès. Ça s'appelle kadhib. Ou de répéter ce que les gens t'ont dit, hein, et qui n'était pas vrai, toi-même tu l'as répété, et qu'il s'avérait que cette parole n'était pas vraie, et que tu n'as pas vérifié par exemple, on dit que tu as menti également. Mais hormis dans le sens où tu dis c'est un tel qui me l'ont dit. Là tu te désavoues. Mais à la base, mais le fait que ce n'est pas toi qui as inventé cela, on t'a dit une chose, tu l'as cru, tu l'as propagé, tu as menti également. D'accord? Tu as également menti. En arabe, ça se dit kazabta. Également, kazib, en langue arabe, ça veut dire se tromper. Comme a dit Aïcha, man qala anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam rabbahu, faqad kazab. Que celui qui dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a servi son Seigneur a certes menti, en apparence. Mais en vrai, là, dans le sens kazab, c'est trompé. Il s'est trompé. Le mot kazib, filorat el-hijaz, peut vouloir dire aussi se tromper. Donc quand tu vois par rapport à ça, par rapport au sahaba, que le terme vient, ou kazabta, ainsi de suite, le sens là, parce que les sahaba, c'est tous des udul. Il n'y a pas de menteur chez eux. Mais quand le terme est employé, comme cela peut être trouvé dans certains athar, entre les sahaba, le sens voulu, c'est se tromper. D'accord? Se tromper. Non. Donc attention aux informations qui se propagent, qui se colportent, car cela peut se retourner contre toi. Toi, tu as eu une bonne intention, tu as apporté une parole qui n'était pas vraie. À partir du moment où tu as su que ce n'était pas vrai, tu dois t'en innocenter, t'en désavouer et dire qui te l'a dit. Et plusieurs personnes ont fait cela. Ils disent, par exemple, un tel a dit ça, un tel a fait ça. Et quand tu vérifies, tu dis, ben j'ai vérifié, c'est pas comme tu as dit. Si tu vois qu'il ne revient pas à ce qu'il a dit, c'est un menteur celui-là. Direct. Oui, il va dire, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais toi tu l'as propagé, tu ne veux pas revenir, tu ne veux pas dire qui te l'a dit. Donc tu es un menteur toi aussi. Hein? Hein? Il suffit à la personne d'être un menteur pour raconter tout ce qu'il entend également. Ça fait de toi un menteur. Donc on fait attention aux informations que tu propages. Puis il dit. حتى أن السلف رضي الله عليهم يكرهون الكذب على الدوام بعضهم جال يسمع الحديث من أحد المحدثين فراه شردت عليه حماره وهو يتبعها فقد جعل في حجره شيئا كأنه يكذب عليها وأن عنده شيء لها فقال له أتعطيها شيئا قال لا فرفع وخاف فرجع فخاف أن يكون يكذب عليه فقد كذب على الحمار. Donc il dit, même chez les salafs, ils détestaient vraiment, vraiment le mensonge. Ne serait-ce que sur un animal, que tu mentes à un animal. Comme il a été rapporté dans l'histoire de certains, qu'un homme était venu prendre le hadith d'un muhaddith, et qu'il l'a vu appâter un âne, faire comme s'il avait quelque chose pour lui, pour que l'âne avance. Ensuite, il lui a dit, est-ce que tu veux lui donner quelque chose? Il lui a dit, non, je ne vais rien lui donner. Dans le sens que j'ai fait cela juste pour le faire avancer. Donc de là, cet homme s'est levé et l'a délaissé. Chez les salafs, c'était connu. Même le fait de mentir, ou même à un enfant, ou à quiconque, il ne faut pas mentir. Le mensonge est interdit dans l'absolu. D'accord? Dans l'absolu. Et quant au hadith qui est venu dans le fait que laissa kazzaban allazi yuslih bayna an-nas, que celui qui vient pour, concilier entre les gens, et qui vient avec des paroles non véridiques, celui-là n'est pas un menteur. Des gens ont vu qu'en fait, par exemple, si tu vois deux frères ou deux sœurs, ou des gens bien qui sont en conflit, tu veux lier entre eux, concilier entre eux, quitte à dire un mensonge pour arriver au bien, des gens de science ont interprété ce hadith comme venant et allant dans ce sens. Si elle lui voit, non, à ce moment-là, le sens voulu, c'est tu fais une théoria. Une théoria, c'est laisser apparaître une chose en apparence qui n'est pas réelle. Celui que Cheikh Othaymine l'a cité, quand il dit quelqu'un, par exemple, te dit, est-ce que tu as telle chose chez toi? Elle, indaka kaza. Toi, tu vas dire quoi? Cette chose-là, tu ne veux pas qu'il l'ait. Elle est chez toi et tu ne veux pas qu'il le sache. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire, ma indi shayun. En apparence, en arabe, on pourrait dire, je n'ai rien. Ou ce n'est pas chez moi. Et également, cela peut avoir un autre sens. Cheikh Othaymine dit par exemple, le ma, dans ma indi, ma, ça peut être ism mawsoul, qui veut dire allazi. Vous voyez? Ça va être un mubtada. Ou indi, ça va être un zarf. Et shayun, ça va être un khabar. Ça veut dire quoi en fait la phrase? Ce qui est chez moi est quelque chose. En fait, on dira du comme ça. Ce qui est chez moi est une chose. Mais lui, il ne va pas chercher à comprendre ce que tu as voulu dire. Il va juste entendre ma indi shayun, il va comprendre j'ai rien chez moi. Et toi, dans ton cœur, tu as une intention de dire autre chose. C'est-à-dire, l'i'rab de la phrase, il va changer. Tamam ? Celui qui est utilisé dans la phrase, il va changer. Donc ça s'appelle quoi une théoria ? Ce n'est pas un mensonge. C'est, on va dire, un détour. Tu fais un détour dans les termes. Tu fais un détour dans les termes pour changer le sens des choses. Et des fois, même, ça revient à ton cœur. Ça peut être une lien dans ton cœur. Quoi qu'il en soit, le shia lui voit que ce hadith-là, de fait de considérer entre les gens, ne faut pas mentir. Mais tu fais une théoria. Ou également le hadith qui est venu que l'homme ment à sa femme ou sa femme à l'homme. Le hadith, ce n'est pas un hadith, il est mawquf sur le sahabi. Ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Et l'homme de là, le chir déconseille de faire cela. Car demain, on dit que tu veux mentir à ta femme pour lui faire du bien. Le jour où elle voit que tu as menti, c'est chaud pour toi. Elle ne te fera plus confiance. Même tu as voulu faire du bien, si un jour elle découvre ton mensonge, elle ne te fera plus confiance. Et pareil pour l'homme. Si jamais cette femme ment pour faire plaisir à son mari ou quoi, hein, ou éviter un mal, le jour où il découvre qu'elle a menti, il ne fera plus confiance. Car il n'y a pas quelque chose de plus important que la confiance dans le couple. Imagine demain, tu ne fais pas confiance à ta femme, elle te dit « je sors, je vais faire telle chose ». Une sortie qui est autorisée. Je vais voir Fulena, par exemple. Si toi, tu ne fais pas confiance, Shaitan va rentrer direct, faire des wasaouis. Tu vas dire « où est-ce qu'elle va ?» Ou pareil, le contraire. Le frère, il dit par exemple « j'étais à tel endroit ». Et en fait, il a menti, il n'était pas à cet endroit-là. Elle va dire « pourquoi il ment ?» Alors, des wasaouis. Et là, ça rentre. Et un seul mensonge, ça peut amener à beaucoup de choses, beaucoup de dégâts. Donc attention. Même dans ces hadiths-là, je vois que le mensonge dans l'absolu est interdit. Non. C'était une parenthèse. Donc il dit par la suite que donc, cet homme, parmi les salafs, juste pour le fait que ce muhaddith ait menti à un âne, il a dit s'il a menti à un âne, il pourra mentir à moi aussi. Donc il a délaissé. Voir l'importance de la chose. Faqal. والكذب منتشر في هذه الأزمان على الله وعلى رسوله وعلى المسلمين وعلى الدعوة. Donc il dit le mensonge est fortement propagé en cette époque sur Allah, sur son messager et sur les musulmans et sur la da'wa. Beaucoup de gens mentent. Beaucoup de gens mentent. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Et la personne ne cesse de mentir. Au point qu'un jour il soit écrit auprès d'Allah comme étant un kazzab. Il y a ni un grand menteur, vraiment. Ou el sidq tuma'nina wal kadhib riba. Et que la vérité apaise alors que le mensonge perturbe. Les choses claires, véridiques, apaisent le cœur. Tandis que le mensonge, lui, te rend confus. Et parmi également le sifat des hisbiyin, qu'est-ce qu'il y a comme Shamoubil l'a dit ? Al kadhib. Hein, qu'ils mentent. Ce sont des gens-là qui mentent sur les gens. Pour obtenir leur but. Donc même quand tu mens dans la darwa, attention, un frère, s'il se met à mentir par rapport à la darwa, son image, elle sera vraiment, vraiment salie. Surtout s'il ment pour la darwa. C'est encore plus grave. Car là, ça touche quoi ? La religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et demain, s'il fait darwa, les gens ne le croiront pas. Qu'ouluhu, idhe wa'ada akhlafa. Que s'il promet, il enfreint. Al-mu'min ba'd yu'ad wa wa'azim Al-al-wafa. Fain qaddara Allah alayhi bima'ni'in ma yakunu mu'tamidan al-khalaf falaysa alayhi shay'un liqouli Allahi azza wa jal fattaqu Allah ma istata'tum wa qoulihi la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha amma an ya'mida tayyib amma an ya'mida huwa wa'azimun al-khalaf ويعتبرها سياسة ويعتبرها ذكاء ويعتبرها ذآء وما إلى ذلك فهذه من علامات النفاق العملي. Donc il dit maintenant une personne, un mu'min, a l'intention de remplir son engagement. Il t'a promis une chose, il compte le faire. Cependant, Allah a décrété, a mis un empêchement sur son engagement, qu'il n'a pas pu l'accomplir. Lui, Inch'Allah, il n'y a rien sur lui. Il ne rentre pas dans le hadith. Quelle est son intention, c'est de le faire, cependant il y a un empêchement. D'accord ? Comme dans le sens où il dit, craignez Allah autant que vous pouvez. Et dans sa parole, dans le sens où il dit que Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut supporter. Par exemple, demain tu as rendez-vous avec un frère, hein, tu dis à telle heure je vais arriver, et quand dans la machafa'al, tu as eu une chose sur la route qui t'a empêché de venir. Et tu n'as pu l'avertir. Par exemple. Car ça c'est important. Si jamais tu promets une chose à quelqu'un, tu t'engages avec lui, et qu'après tu as un empêchement, alors au moins avertis-le. Ne laisse pas perplexe comme ça confus. Tu dis, Harry, je vais faire telle et telle chose pour toi. Le frère te croit et te fait confiance. Et d'un seul coup, tu ne fais plus la chose. Et tu ne lui dis pas pourquoi. Il va être confus, le frère. Dire, pourquoi le frère ne me dit pas ? Et là, il peut avoir des doutes sur toi. Il dit, normalement, s'il n'y a rien, le frère va me dire, il n'y a rien, excuse-moi, j'ai un empêchement, il m'a fait telle et telle chose. Mais s'engager sur une chose avec une personne, l'avertir et après la laisser en blanc, comme on dit comme ça, sans lui dire pourquoi ou comment, là, la personne peut avoir des doutes. Sur toi. C'est-à-dire, pourquoi il ne me le dit pas ? Donc attention, si demain tu as un engagement envers un frère, une promesse ou une aide que tu lui as portée ou quoi, ou un service que tu veux lui rendre, comme tu t'engages avec lui, et que tu as un empêchement, avertis-le, dis-lui, tant que tu peux. Dis-lui, Akhi, désolé, il m'est arrivé telle chose, je ne peux pas faire comme je t'avais dit. Afouen. Il va te pardonner, pas de problème. Mais ne rien lui dire et le voir et faire comme si de rien n'était, ça va amener à des fitanes. Ou au moins qu'il ait un sous-zone dans son cœur. On ne pourra pas le blâmer. Demain, tu as un rendez-vous avec lui, tu n'es pas venu au rendez-vous. Et le lendemain, il te voit au mosjid. Tu viens le voir, tu dis Assalamu alaikum, Akhi, tu fais comme si de rien n'était. Et dis Akhi, on avait rendez-vous hier pour telle et telle chose. Tu n'es pas venu. Ah oui, il m'est arrivé ça et ça et ça et ça. Ben, entre-temps, le frère, il aura douté de toi. Car tu l'as vu, tu lui as souri, tu ne lui as rien dit. Non. Et comme on a dit, Shaitan, il est hadith pour tahrish entre les gens. Donc toi, fais en sorte de toujours fermer les portes. Tu as un engagement avec quelqu'un, tu ne peux accomplir, avertis-le autant que possible. Non. Ensuite, il dit, par contre, quelqu'un qui lui promet une chose et délibérément enfreint cette chose, cette parole-là, et lui voit cela comme étant une bonne politique, comme le font justement les hommes politiques, ils promettent des choses pour que tu votes pour eux, ainsi de suite, on va faire, on va faire, on va faire, à la fin, il veut rien faire, il veut juste avoir le pouvoir, il veut juste avoir un siège au Parlement, il veut juste avoir un tel poste. Il veut juste être... Ou même des gens, des fois pour le mariage, ils mentent. Un tel soir avec une sœur, il lui dit on va faire ça, ça. Combien on a entendu de frères qui disent par exemple, on va faire la hijra, des sœurs nous écrivent et nous disent, ouais, est-ce que j'ai le droit, par exemple, je me suis marié avec un frère et lors de l'accord du mariage, il m'a promis qu'on allait faire la hijra et la finale, ben, il travaille, il veut partir. Donc si ce frère a fait volontairement la niya de, pour juste pour se marier avec sa sœur, de lui mentir, lui, ce hadith, cette caractéristique s'applique sur lui. D'accord ? Ça s'applique sur lui. Du fait qu'il a trompé une sœur pour pouvoir se marier avec elle. Il lui a promis des choses qu'il ne lui a pas données. Volontairement, il rentre dedans. Ou le contraire aussi, une femme qui dit à un frère, je suis de telle et telle façon, je fais telle et telle chose, et à la fin, elle ne fait rien. Juste parce qu'elle voulait se marier avec ce frère-là. C'est la même chose, ça s'applique sur eux. Donc celui qui fait exprès, qui voit comme étant cela, comme étant une bonne chose, une politique, ou cela de la ruse, de l'intelligence, alors lui, il aura une caractéristique des munafiqin. Munafiq l'amali. D'accord ? Munafiq l'amali. Et la différence entre les deux va venir, inshallah. Puis il dit Qawluhu wa idha 'ahada ghada. C'est à peu près le même sens que l'autre. Que si jamais il promet, il trompe. Quand le Ta'ala wa awfu bil 'ahd, inna al-'ahd kana mas'ula. Et tenez vos engagements, car l'engagement sera questionné. C'est-à-dire, sur quoi tu t'es engagé, tu seras questionné sur cela. فَالْهَادُ الْوَفَى بِهِ وَاجِبٌ وَنَقْدُهُ كَبِيرَةٌ مِنْ الْكَبَائِرِ. Donc le fait de tenir sa parole, son engagement, est une obligation. Et le fait de la rompre, sans raison valable, est un grand péché. Le fait de ne pas expliquer sa parole est un grand péché. قَوْلُهُ وَيَذِي خَاصَمَا فَجَرٌ. Et que si jamais il se dispute, ou il est en conflit, en désaccord, il devient immoral. الْمُؤْمِنُونَ مُلَازِمِ الْعَدْلِ في خصوماته مع القريب ومع البعيد وفي خصوماته وفي رضاه مع العدو ومع الحميم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما وقال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وقال Donc il dit, dans le sens que le croyant, dans sa parole, il est khasama fajar, que le croyant doit se tenir sur l'équité, la droiture, même dans ses conflits, même dans ses litiges, avec le proche ou avec l'éloigné. Que cela soit dans son agrément, ou même avec son ennemi, ou avec son ami. Il doit être neutre et équitable. Et véridique. Dans le sens, Allah SWT, il dit, ô vous qui croyez, soyez équitables, de témoins équitables pour Allah, quand bien même sur vos propres personnes, ou sur les parents, ou sur les proches. Dans le sens, Allah, il dit, et que si jamais vous parlez, alors soyez juste. Quand bien même il s'agirait d'un proche. C'est-à-dire, demain tu parles sur un proche, sois juste. Ce n'est pas parce que c'est ton proche que tu dois le défendre ou changer les réalités. Et il dit, dans le sens, Allah ordonne certes à la justesse et à la bienfaisance. D'être juste et bienfaisant. وَلَا تَحْمَلُ الْإِنسَانَ عَدَوَاتُهُ لِشَعْسٍ أَنَوْ يَكُولُ غَيْلِ الْحَقِّ وَذَلِكَ لِيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَمَرَ بِمُلَازَمَةِ الْحَقِّ قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. Donc il dit qu'il ne faut pas que son l'animosité pour une personne le pousse à dire autre que la vérité. Il faut être juste et équitable. Hein? De se tenir sur la justesse. Dans le sens, Allah il dit, et que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste, et soyez juste, cela est plus proche de la taqwa. Donc il fait partie de la taqwa hein, que d'être juste. Qawluhu كان منافقا خالصا qu'il est un pur munafiq, c'est-à-dire celui qui a les quatre caractéristiques hein, est un pur munafiq. ليس معناه انه يكفر ان توفرت فيه هذه الامور ما لم يستحيل واحده منها هذا نفاق عملي. Donc il dit cela ne veut pas dire qu'il est mécréant hein, que si toutes ces choses se réunissent en lui tant qu'il ne rend pas une halal parmi ces quatre ou ces trois. Tant qu'il ne rend pas cela halal, mais qu'il le fait, ou par ijtihad ou par faiblesse, ou ainsi de suite, cela ne le rend pas mécréant. Par contre, s'il y avait une seule entre elles, il dit que c'est halal, que c'est permis, hein, que c'est permis de faire d'agir de la sorte, cela le fait sortir de la religion. Comme vous le savez, rendre permis ce qui est interdit, fait sortir de la religion, ou même le contraire. Donc si jamais lui, ces choses-là, il les a en lui, mais qu'il ne le rend pas halal, que c'est une faiblesse ou quoi, là c'est du nifaq amali. Du nifaq dans les œuvres, dans les actes. وحتى ولو اجتمعت فيه هذه المعاصي الظاهرة فهو نفاق عملي ويجب عليه أن يتوب إلى الله من هذه الكبائر. والله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنعون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Donc il dit qu'il lui est obligatoire, hein, si jamais ses péchés sont apparents sur lui et qu'il les regroupe, il lui est obligatoire de s'en repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans le sens, Allah il dit que si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, alors nous expierons vos fautes et nous ferons rentrer d'une noble entrée, c'est-à-dire au paradis. نعم. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Que certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais pardonne en dehors de cela à qui il veut. Pour dire que tous les péchés à la base sont pardonnés. Et que dire de celui qui se repent? Hein? Que dire de celui qui se repent? Pour celui qui n'aura pas associé à Allah, qui sera mort sur le tawhid. وإن مات مصرا عليها ما لم يستحلها أو واحدة منها فهو تحت المشيئة كما دلت الآية على ذلك. Donc il dit tant si jamais il persiste sur cela qu'il meurt dessus sans l'avoir rendu licite, alors il sera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le démontre le verset. وجاء في بعض الطرق للحديث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم بعضهم أخذ هذه الرواية أنه الذي توفر في هذه الصفات ما هو مسلم حتى وإن لم يستحلها ما هو مسلم والمقصود ما هو مسلم كامل الإسلام وما هو كامل الاستسلام والانقياد لله عز وجل فإنه عاصي فاسق فاجر من فجرات المسلمين فإن النفاق ينقسم إلى قسمين اعتقادي وعملي. Donc dans une autre version dans ce hadith qui est venu chez l'imam muslim, à la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même s'il jeûne ou qu'il fait la salat ou qu'il prétend qu'il est un muslim, c'est-à-dire c'est un munafiq pur. Même s'il, c'est-à-dire s'il a ces quatre caractéristiques, d'accord, et qu'il jeûne, et qu'il fait la salat, et qu'il prétend qu'il est musulman, il est un munafiq pur. Donc certains ont pris cette version pour dire, eux, que ce nifaq, c'est du nifaq, al-i'tiqadi, c'est du grand nifaq qui fait sortir de l'islam. Et ils voient que même s'il remplace cela licite, le fait d'avoir réuni ces quatre caractéristiques, eux voient que cela fait de lui un kafir. Ça, c'est un ta'wil, une interprétation qui a eu lieu chez certains. Donc, ne pas se précipiter. Demain, si tu entends un frère qui dit que un tel, il le kafar, il le rend mécréant pour ce hadith, toi, ne te précipite pas à dire c'est un takfiri. Il se peut qu'il ait entendu justement des fatawas de ulama qui ont interprété ce hadith par rapport à cet ajout. Donc, attention également de ne pas se précipiter. trouve le frère l'enchubouat, ou ainsi de suite, il faut expliquer. Non. Donc le shir dit que le sens voulu par cet ajout, lorsqu'il dit, même s'il jeûne, ou qu'il fait la salat, ou qu'il prétend qu'il est musulman, c'est qu'il n'est pas un musulman d'un islam parfait. Hein? Qui n'est pas d'une soumission totale. Il ne se laisse pas mener comme il faut par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un désobéissant, c'est un pervers, c'est un débauché, parmi les débauchés des musulmans, car le nifaq se divise en deux sortes. I'tiqadi ou amali. I'tiqadi, c'est dans la croyance, et amali, c'est dans les œuvres. Al-i'tiqadi, ma dalla alayhi qawlullah azza wa jal. Inna al-munafiqina fi darki asfal min an-nar wa lan najida lahu nasira. Wa amsalat hadhihi al-aya. Donc il dit l'i'tiqadi, c'est celui qui était défini comme celui que démontre le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens que les munafiqun sont au niveau le plus bas de l'enfer et qu'ils ne trouveront aucun secours. Ainsi que tous les autres versets qui vont dans ce sens. Wa al-amali, celui qui est dans les œuvres. Madalla Ali Hadal Hadith. Vous voyez, c'est celui qui est démontré par ce hadith. Wa hadith Abi Huraira and al sunnati and al-nifaq al-qasimu ila qismain. Nifaq amali wa nifaq i'tiqadi. Wa yuqalu lahu nifaq akbaru wa nifaq asgharu. Donc il dit le nifaq amali, comme nous l'avons dit, c'est celui qui est démontré par ce hadith, ainsi que le hadith d'Abu Huraira, avec l'ajout. Le hadith d'Abu Huraira, où il n'y a que les trois caractéristiques et non pas quatre. Et chez les gens de la Sunna, le nifaq est de deux sortes. L'hypocrisie est de deux sortes. Al-amali, comme nous l'avons dit, et qu'il appelle également le nifaq al-akbar, le nifaq majeur, l'hypocrisie majeure, et al-i'tiqadi, c'est-à-dire l'hypocrisie dans la croyance, l'hypocrisie al-akbar, majeur. Quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Par rapport à ce que Ibn Rajab a cité dans Jami' al-Ulum al-Hikam. Il dit Al-Nifaq al-Akbar wa an yuzhiru l'insanu al-imana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa yubtinu ma yunaqid dhalika kullahu wa aw yub'iduhu. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. Donc le premier, qui est le nifaq al-akbar, le majeur, c'est que la personne fait apparaître la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, les piliers de l'iman, également au qadar. Et qu'au fond de lui, il renferme ce qui contredit tout cela. Au fond de lui, il n'y croit pas. Ou il le déteste. Cela, c'est le nifaq qui était présent à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui sur lequel le Coran est venu pour blâmer ces gens et pour les rendre mécréants. Et que Allah a informé que ces gens, c'est-à-dire les munafiqoun et les artikadiyoun, sont au niveau le plus bas du feu, de l'enfer. Comme dans le verset que nous avons cité. وَالثَّانِي النِّفَاقُ الْأَصْغَرُ وَهُوَ النِّفَاقُ الْعَمَلُ وَهُوَ أَنْ يُظْهِرُ الْإِنْسَانُ عَلَانِيَةً صَالِحَةً وَيُبْطِنُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَأُصُولُ هَذَا النِّفَاقُ تَرْجِعُ إِلَى خِصَالِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Donc il dit le deuxième, c'est le nifaq asghar, mineur. Al-amali, dans les œuvres. Que c'est celui dont la personne fait apparaître de la piété, hein, de la virtuosité, et au fond de lui, il contredit tout cela. C'est une personne qui n'est pas de la sorte. C'est le même sens en fait qu'un hypocrite en français, qui dit le contraire de ce qu'il pense. Donc des fois quand on dit un tel c'est un munafiq, attention à ne pas croire ou ne pas voir forcément comme étant du takfir. Ce n'est pas obligatoire, ça peut être du nifaq. Vous voyez, du nifaq. Al-Amali. Une fois, nous avions un frère, Adem Medj, qui lui regroupait toutes les caractéristiques. Toutes les caractéristiques citées là, il les avait, clairement. Et constaté par tout le monde. Les gens ont témoigné. Il a fait beaucoup de problèmes. Et il m'est arrivé, moi, de dire, ce frère-là, c'est un munafiq. Donc de là, des frères m'ont reproché ce terme et m'ont dit, tu ne peux pas dire ça, car c'est un hukm al-mu'ayyan, il faut ceci, il faut cela. Donc on est parti voir un des machirs, c'était Shir Abdul Wahab Shamiri, et je lui expliquais, on lui a dit, Shir, un tel, il a fait ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Clairement. Et toutes ces choses-là sont comprises dans les caractéristiques des munafiqs. Et moi, je dis, Foulen, c'est un munafiq en voulant dire par là, Amali. Est-ce que ma parole est fausse? Il m'a dit non. Parce que je dis, c'est vrai, cependant, par prudence, au moment que tu dis, Foulen a du nifaq. Le meilleur, c'est de dire qu'un tel a du nifaq. Il a de l'hypocrisie en lui. Il a dit, c'est pour pas choquer les gens. Mais à la base, le jugement établi sur lui par rapport à ses faits était correct. Donc, il y a une babel irsen, ou l'irtier, le fait de pour être plus prudent, quand on voit ça chez quelqu'un, tant qu'on n'a pas vraiment une personne de science qui l'a, qui nous a devancé ou quoi, dire un tel a dû le faire. Pourquoi? Parce qu'il fait telle et telle et telle et telle chose. Et toutes ces choses-là sont citées dans le hadith. Non. Donc il dit wal munafiq al i'tiqadi 'inda jumul al ulama bi ma'na al zindiq la ya'rif min mawrithi al muslim wa minhum man yara an yarith kama huwa mawjud fi al ikhtiyarat li shaykh al islam ibn taymiyyah. Donc il dit que chez la plupart des gens de science, le munafiq, c'est ce qu'on appelle le zindiq. Lorsqu'on entend Foulel, c'est un zindiq, ou la zindaqah, ça veut dire al-nifaq al-akbar. Un zindiq, c'est un munafiq. Irtiqadi, c'est un kafir. Et ces savants-là voient que lui n'hérite pas des gens de l'islam. Et d'autres voient que s'il hérite, comme cela était présent à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Cheikh al-Islam dans son livre Al-Irtiyarat. والمنافقون الاعتقاديون كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم موجودين وما حرمهم الله النبي صلى الله عليه وسلم من ميراث أهليهم إذ أنهم يظهرون الإسلام يصلون مع المسلمين ويصومون مع المسلمين ويحجون مع المسلمين ويرثون مع المسلمين وهذا هو الصحيح إلا إذا ارتد وظهرت ردته فهنا يعامل معاملة كافرين لحديث من بدل دينه فاقتلوه ومن باب الأولى منعه من الميراث في هذا الحال لأنه مرتد أما المنافق فإنه يظهر الإسلام ويعامل معاملة المسلمين في الظاهر انتهى كلام الشيخ. Donc il dit qu'à l'époque du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم il y avait des munafiqun. Ils étaient présents. Et que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas rendu interdit le fait qu'ils héritent de leur famille. Car ils faisaient apparaître l'islam. Ils faisaient la salat avec les musulmans. Ils jeûnaient avec les musulmans. Ils faisaient le hajj avec les musulmans. Même certains ont fait le jihad avec les musulmans. Donc, ils héritaient des musulmans. Et ça, c'est la parole la plus authentique. Tant qu'il n'apostasie pas. Et qu'il fait apparaître son apostasie. Alors, à ce moment-là, on se comporte avec lui comme un kafir, comme un murtad, un apostat. Comme le prouve le hadith, que celui qui change sa religion, alors tuez-le. D'accord? Alors, à plus forte raison, de l'interdire, d'hériter dans cette situation, s'il y a mis l'apostasie. Car c'est un apostat. Quant au munafiq, il laisse apparaître l'islam. Donc on se comporte avec lui comme un musulman en apparence. Non. Et là, se termine le char du shir. Et là, je rajoute, comme vous savez déjà, que shir a établi le jugement de Nifaq al-Akbar sur Al-Qardawi. Shah Yahya, lui, voit que Al-Qardawi, c'est un munafiq Nifaq irtiqadi, al-Zindiq. Il a dit de Amr Khalid que celui-là, il avait été à l'époque des salafs, de l'imam Ahmed, ils auraient émis le même jugement sur lui. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des paroles graves, mais à cause de l'ignorance, les savants tempèrent. Essayent d'aller doucement. Ne pas se dire que le savant, il se tait ou il ne sait pas, ou ainsi de suite. Pourquoi il ne parle pas? Des fois, il ne parle pas pour une maslaha par rapport aux gens. Mais il ne défend pas non plus. Le fait de ne pas parler sur quelqu'un peut avoir des erreurs. Un tabi que je voulais faire, quelqu'un peut avoir des erreurs. Le fait de ne pas le critiquer en public ne veut pas dire que tu te tais sur lui. Ça se trouve, en privé, tu le conseilles. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire son éloge ouvertement et s'en prendre à ceux qui le critiquent. Ça, non. Et un jour, tu dis, ouais, un tel, ça fait 10 ans que je patiente sur lui. Je sais qu'il a des erreurs, il a ça, mais je le conseille en privé. Le conseil, on dit d'accord, conseil en privé, c'est bien. Patienter, ça peut être bien tant qu'il n'y a pas d'excès. Mais pourquoi s'en prendre à ceux qui ont vu aussi cette réalité et qui ont parlé sur lui? Et faire son éloge. Ça, c'est une rihana. Ça, c'est une trahison. Bien faire comprendre la différence entre conseiller en privé et reconnaître les erreurs et défendre le baratin et dire j'ai patienté. Ça n'a rien à voir. Quand on patiente sur quelqu'un, cela ne veut pas dire non plus qu'on le défend et qu'on fait son éloge devant les gens et qu'on s'en prend à ceux qui connaissent ces erreurs qu'ils ont démontrées avec preuve. Ça, c'est pas permis. Et Narsha, elle a dit, Yamel Bihadil Mu'amala, Ayyotabak Ali Adil Ayat. Et on craint pour celui qui se comporte de la sorte que les versets cités précédemment de défendre les traîtres, que cela s'applique sur lui. On le craint. Donc faire attention. Défendre les Baratil, cela, en toute connaissance de cause, cela est très dangereux. Et toujours par rapport au Nifaq, hein, il était important de Hassan qui l'a dit, « Man min al-Nifaq, irtilef al-Kalb wal-Lisan, wa irtilef al-Sir wal-Alaniya, wa irtilef al-Dukhul wal-Khuruj. » Qu'il dit que, qu'il fait partie du Nifaq, que ta langue, ce que ta langue dit, diffère de ce que ton cœur ressent. Ou que ce que tu renfermes diffère de ce que tu laisses apparaître. Ton entrée diffère de ta sortie. Ibn Rajab, il dit parmi les, également parmi les plus grands signes du nifaq, al-amali, toujours al-amali, al-ni'mal insanu amalan yuziru annahu yaksudu bihi al-khayr, wa innama amaluhu yatawassul bihi lighayr sayyi. Il dit par exemple parmi les plus grands signes du nifaq, plutôt les plus grandes caractéristiques du nifaq al-amali, c'est qu'une personne, hein, une personne laisse apparaître qu'il fait du bien, une personne fait commet un acte, laissant apparaître qu'il veut par cela du bien. Et au fond, il a un mauvais objectif. Hein, il a un mauvais objectif. Des gens en apparence, tu les vois comme ça, par exemple, comme tu vas voir, par exemple, demain, quelqu'un qui rôde sur un moubtadir, mais son but n'est pas de faire apparaître sa bida. Il va dire un tel, par exemple, un tel et un tel, une personne était en alliance. Et les deux ont des erreurs, par exemple. Et les deux sautaient sur les erreurs l'un de l'autre. Et un jour, ils sont coincés. Leur alliance, hein, est dévoilée. Qu'elle n'est pas bâtie sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une alliance. Comme un parti, comme un risque. Et bien l'un des deux commence à démontrer les erreurs de l'autre. Un tel, il a ça. Lui, on va dire, pourquoi tu montres ces erreurs maintenant et de la sorte? C'est quoi ton but? Car le fait de montrer les erreurs, c'est un acte de bien. On ne peut pas nier. C'est un acte de bien. D'accord? Mais pourquoi tu montres maintenant comme ça? C'est quoi ton but? Et bien ça, c'est parmi les munafiqin, qui n'est pas sincère dans ce qu'il fait. Et que si jamais il aurait pu éviter de faire ce rod sur un tel, il ne l'aurait pas fait. Ou d'autres gens qui veulent s'en prendre à leurs frères, leur porter des accusations pour une chose qu'ils ont dans leur cœur, et faire transparaître cette accusation comme étant une défense de la vérité, du droit des gens. On l'a vu ça aussi. Mais son but à lui n'est pas de défendre le droit des gens, c'est juste de s'en prendre aux gens qu'il n'aime pas, donc il dit un tel, il n'est pas de confiance car il ne remet pas le dépôt. Mais au fond, le dépôt, il n'en a rien à faire. Tout ce qu'il veut, c'est que lui, il t'en veut pour une chose qu'il n'a pas eu, ou je ne sais pas, il a des raisons en lui, et bien de là, il s'en prend à toi et t'accuse de choses qui ne sont pas vraies, laissant croire qu'il veut laisser apparaître quoi? Le fait de appliquer le bien. Donc cela fait partie des signes des munafiqines également. Il y a de faire apparaître le bien, de faire croire que tu veux faire un acte de bien, alors qu'au fond de toi, ton but, ton dessein, il est obscur. Non. Donc le khurasa de ce ders, c'est que les sifat des munafiqines, amali, dans les actes, sont de quatre. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il se dispute, il devient immoral. C'est-à-dire, il est prêt à inventer des choses ou à ne pas reconnaître la vérité. Lorsqu'il promet, il enfreint. Et lorsqu'on lui confie, il trahit. Celui qui a ces quatre sifats en lui, a des sifats, hein, c'est un munafiq. Et que si jamais il en a une seule d'entre elles, et qu'il, tant qu'il ne les laisse pas, il aura en lui un trait du nifaq. Et nous avons cité également que le nifaq est de deux sortes. I'tiqadi, dans la croyance qui est du kufr, et amali, qui est dans les actes, et lui n'est pas du kufr. Non. Fabien d'accord, naktafi, wa nakul subhanaka, lauma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.